Bonjour, direct du 16 janvier 2022. Donc, est-ce qu'il est arrivé des choses intéressantes dernièrement? Je considère que non. On est un peu dans une petite phase creuse, je trouve, au niveau de l'actualité. Ça peut paraître que c'est pas le cas, mais bon. Il y a de plus en plus de jeunes gens qui se font tirer dessus à Montréal. Bon. On semble suivre un peu ce qu'on a vu dans certaines villes américaines, il y a vers la fin des années 70, début 80. Donc, il semblerait que, bon, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne à certains types de gestion. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à dire? Bien entendu, là, je veux. Ah, bonjour, Lucie. Je ne veux pas minimiser ce qui se passe à Montréal, là, mais bonjour, Maxime. Donc, est-ce qu'il y a des choses là, que vous aimeriez discuter? Bonjour, Marie-Laure. Marie-Laure, c'est des dames âgées habituellement que j'ai connues comme ça, qui s'appelaient Marie-Laure. Bon dimanche, oui. Ben oui, il faut en profiter. Je fais un direct parce que bon, ça donne là, ça va bien là. Je suis tout seul, puis on ne devrait pas être interrompu. Bonsoir, Marie-Jeanne. Donc, moi, ça me fait penser, vous avez vu Djokovic s'est fait expulser de l'Australie, c'était prévisible, mais moi, ce que je trouve étrange, c'est qu'il y soit allé. Je veux dire, il y a une certaine naïveté, là. Une certaine naïveté de la part de certaines personnes. D'un autre côté, ça met en lumière certaines choses. Mais si j'étais quelqu'un comme lui, là, qui doit se promener d'un pays à l'autre, j'éviterais certains pays, là, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada. Le Canada, j'éviterais ça. Tu as acheté ta nouvelle porte? Non. Ben non, ça donne que je suis tout seul, puis j'ai pas eu le temps là, de voir ça, bien franchement. Puis je savais même pas si j'aurais bien le droit d'aller dans une quincaillerie, là. Je devrais peut-être me dépêcher. De toute façon, je le commanderai, là. En autant que c'est du bois plein. Donc, bonjour, SCG. Bonjour au chat. Merci. Allez. Tout le monde parle de Novak Djokovic en ce moment. Ben oui. Ben Djokovic, au moins ça fait parler aussi des normes australiennes qui semblent être. Vous voyez comme ils l'ont fait patienter le plus longtemps possible avant de l'expulser. Ils font exprès. Au fond, c'est de la séquestration. Si je devais quitter le Québec, où j'irais? Aucune idée. J'ai jamais eu l'intention de quitter le Québec. Puis si on me demandait de quitter le Québec, je resterais. Puis je dis, bon, ben expulsez-moi. Trouvez-en un endroit qui va m'accueillir comme transfuge. Si vous voulez m'envoyer en exil. Donc, je sais pas, il y a sûrement des pays qui accepteraient de m'accueillir. Mais ça veut pas dire que j'accepterais d'y aller. Non, le Québec, même si ça devient un des pires endroits au monde, je vais rester. Il y a quelque chose, vous savez, là, à un moment donné, ça m'avait dit, ah, la souffrance, c'est probatoire, c'est-à-dire que ça sert à vérifier certaines choses. Donc, au niveau de test, bon, ben, aussi bien y aller jusqu'au bout. Donc, si le Québec devient encore pire, ben, je l'endurerai, c'est tout, je verrai ce que ça fait. C'est pas moi qui vais aller vivre en Floride, là. Ça m'intéresse pas du tout d'aller vivre en Floride, ni en tout cas. Ben, où j'irai? J'avoue que je le sais pas. Je tolère mal la chaleur, j'aime pas la chaleur. Je sais pas du tout. Mais comme si on me demandait de partir en exil, ben, je dirais bon, ben, préparez ça pour moi. Trouvez-en un endroit qui va m'accueillir. Ben là, c'est sûr. Bon, bonjour, Virgile. Hein, Virgile, comme le poète Virgile. C'est Virgile, hein, que Dante, dans la Divine Comédie, il y a un peu, le poète Virgile qui joue un peu le rôle du double de Dante. C'est un peu comme si Dante allait dans l'astral. Puis, son double est remplacé par le poète Virgile dans le texte, là, le double de Dante devient Virgile. Parce que c'est un petit peu comme ça, ceux qui ont eu des expériences. Tu serais bienvenue en Bretagne. Moi, j'ai de lointains ancêtres qui viennent de là. Et je pense que mon prénom est d'origine bretonne. C'est le nom qu'on donne à des récifs sur lesquels viennent s'échouer certains grands vaisseaux. Hein? Moi, pas de neige, non, mais il y a du mauvais temps en masse. Il y a de la pluie. C'est inspiré du personnage. Ah oui, bon. Mais Virgile a existé, là. C'est pas juste un personnage. Ah, vous savez, les classiques, j'ai pas assez. Je suis pas assez masochiste pour avoir lu tous mes classiques, par contre. Prenez, j'ai essayé une quinzaine de fois de lire Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche. Bon, c'est pas un classique au sens que classique du terme, là, mais c'est un incontournable au niveau d'une certaine culture générale. J'arrive pas à lire Nietzsche et ça m'ennuie, je trouve ça sans intérêt. J'y arrive pas. J'ai essayé plusieurs fois. C'est trop. Ça m'ennuie. Bonjour tout le monde. Bonjour Sozo. Donc, de quoi je parlais? Ah, la Bretagne. Ah, c'est quoi donc l'autre région? En tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose à me faire parler parce que moi, je n'ai pas d'idée. J'en ai aucune idée. Je ne sais même pas de quoi parler. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Là, il y a des nouvelles, des vieilles vidéos de Gilles Belrose qui commencent à être remises en ligne. J'imagine donc qu'il a perdu sa première chaîne. Marie-Laure, possible, les Bretons étaient des navigateurs et de grands voyageurs. Ben oui. Venez vivre dans mon pays. La langue, c'est facile à apprendre, pas compliqué comme la langue française. Moi, je sais pas. Vous savez, la langue française est facile pour quelqu'un dont c'est la langue première. Donc, vous êtes dans le coin de la Serbie, là, dans ces coins-là, me semble. Mais c'est pas en Serbie, je me souviens, j'avais demandé une fois. Mais non, c'est possible, j'ai pas envie d'apprendre une nouvelle langue, là. Ça m'a pris du temps de désapprendre la mienne. Donc, Bosnie, c'est ça. Il paraît que c'est très beau. Non, je me vois mal aller vivre en Europe. Surtout que là, j'ai pas le droit, là, de. Mon premier ministre m'interdit de quitter le pays. Ben, le pays. Il m'interdit de quitter la colonie, l'espèce de grosse corporation coloniale qu'on appelle pays, le Canada. Le Canada. La compagnie des Indes occidentales, si on peut dire. La compagnie de l'abbé du Tson. Donc, non, il n'y a vraiment rien à. Bonjour. Ayman. À propos du supramental, le sujet est bien fourni en littérature, mais le comment faire n'est pas abordé et cela se vient indépendamment de notre volonté. Ben, vous savez, ça dépend de quoi on parle. Parce que j'ai lu un peu Saprem, mais c'est pas le supramental comme au sens des phénomènes comme je l'ai connu. Mais c'est très différent. C'est vraiment Bernard de Montréal qui est le plus près de. Au niveau du phénomène, donc tout ce qui est écrit sur le supramental avant Bernard de Montréal, pour moi, à mes yeux, c'est comme si c'était annonciateur de quelque chose, mais que c'était pas le cas. Oui, le Dominion. Bonjour, c'est Marsan. Moi, le Dominion. Le Dominion. Ça se corse en ce moment pour vous au Québec? Bon. Ben, moi, personnellement, je trouve ça. Pas si pire, mais je vois des gens dont le moral est plus bas, là. Ça commence à fonctionner chez certaines personnes parce que c'est du harcèlement continuel de la part du gouvernement. Il y a une pression constante qui est mise sur les gens. Donc, c'est certain que je le vois, là, que ça commence à faire effet. Mais personnellement, je me sens pas vraiment. Le Québec est foutu, c'est officiel. Ah! Moi, je pense que ça peut aller encore plus loin encore, puis qu'on ne sera pas nécessairement foutu. Cet hiver, on dirait que je tolère et adore le froid, moins 28, j'ai juste envie d'aller dehors. J'y vois l'intégration de quelque chose. Ah bon. Ben, c'est intéressant, ça. Mais dans mon coin, il fait encore plus froid que ça. Bonsoir, Marie. Moins 28, ben, c'est pas super, moins 28. Avec le facteur 20, il y a quelques jours ici, il faisait moins 45. C'était moi. Bon. Sandra Vimont parle de diriger sa colère vers son esprit pour créer son double et ne pas distraire son énergie. Que penses-tu de cela? Je ne sais pas si je devrais m'exprimer librement sur ce que je pense de ça. Allez-y, dirigez-la. Là, votre colère vers votre esprit. Vous pouvez diriger votre colère vers l'occulte, puis ça en fait partie jusqu'à un certain point, tant qu'un contact n'est pas fait de toute façon. Mais il va y avoir des retours. C'est ce que ça va être la formation du double. Vous savez, votre double, souvent, il est déjà là. Il y a bien des gens, ils sont en contact avec leur double, mais ils ne le savent pas. C'est juste, ce n'est pas conscientisé. Au fond, le contact avec le double, il se fait par une conscientisation de quelque chose qui est déjà là. Puis, bon, en tout cas, tu as dit qu'il y avait tous les autres plans dans le plan matériel. Ben oui. Oui, parce que c'est multidimensionnel, le plan matériel. Donc, interplaneur. Donc, mais je repense à l'autre, là, Sandra Vimont parle de diriger la colère vers son esprit. Ben oui, je fais ça. Pour créer son double, par contre, mais ça peut pas, c'est certain qu'il va y avoir un retour. Peux-tu nous parler de tes premiers contacts et pourquoi ça t'avait mis dans la merde? Pourquoi? Parce que j'étais impressionné. Puis, je prenais ça pour une forte inspiration. Puis là, j'allais dans des projets que je me suis pété la gueule. J'étais loin de comprendre que c'était nécessaire que je me mette dans la merde pour brûler de la naïveté. C'est-à-dire que ça voulait que je sois moins naïf. Donc, ça m'a mis dans la merde. C'est-à-dire que les contacts que j'ai eus ont fait exprès de me faire en sorte que je brûle de la naïveté. Ils m'ont fait m'enthousiasmer pour des choses qui allaient s'effondrer. Et puis, ça a été utile, mais ça a été très long avant que je le voie. Puis, ça a été très long avant que j'intègre le fait que c'est intelligent, que je vive tout ça. Mais bon. Mais les premiers contacts, c'est quand même... Ça dépend à quel niveau on parle, parce que disons qu'il y a différents niveaux de contact. Même les enfants là, ont des contacts des fois avec ce qu'on pourrait appeler des forces prépersonnelles. Comment voyez-vous la vie des citoyens canadiens dans le futur? Je le vois pas. Vous savez, je ne suis pas porté beaucoup à me projeter dans le futur. C'est certain que ça n'a pas le choix d'être très différent. Mais... possiblement, moi, que je serais décédé, donc c'est pas mon expérimental, vous comprenez. Allô, Carole. Marie-Jeanne, Sandra Vimont, elle a fait un livre avec un, je pense que c'est un français. Ah, ben, il y a un de ses livres que j'ai déjà eu entre les mains, là. Je pense que c'était « Entrée dans le réel ». Je ne savais pas que c'était avec un monsieur français. Certains font des parallèles entre 1939-1945 et 2019-2025. Oui, il y a des parallèles à faire. Concernant le programme des restrictions de liberté, comme avec les gens, les enfants d'Abraham à l'époque, et les non-vax, les non-inoculés à la nôtre, et que ça irait mieux après 2025. Bien, vous savez... il y a toujours une période de prospérité dans notre histoire récente qui a eu après les grands troubles. Comme, ou même avant, juste avant les grands troubles. Donc, étrangement, on peut considérer les années 90-2000 comme une période... un live. OK, je voyais un livre. Ça se peut, je ne suis pas au courant. Je ne la suis pas, Madame Vimont. Ben, je suis personne. Désolé. Bonjour, Angélique. Donc, je suis personne, mais si vous regardez, tout est tout le temps coordonné pour qu'il y ait des fluctuations qui font que, entre les périodes de grands troubles, il y a des périodes de prospérité. Donc, vous avez la belle époque juste avant la Première Guerre mondiale. Vous avez les années folles juste après. C'est souvent comme ça, hein. Après, il y a la crise. Il y a eu une crise qui a... mais après, il y a eu un certain renouveau dans les... Là, c'est comme si on était dans les années 30, un peu, puis la suite de la crise des années 80. Donc, ça peut sembler étrange, mais c'est quand même de la prospérité à mes yeux. Comme tu avais dit, avec les replis stratégiques qui s'effectuent constamment Enlever le couvre-feu, le remettre à un faux espoir qui emporte les émotions et avec l'individu. C'est pour ça que les dernières bonnes nouvelles qu'on a eues dernièrement, moi, ça ne m'inspire pas confiance. Puis ça ne me fait pas peur non plus. Mais je pense que c'est possible encore que même si là, on commence à parler d'enlever le couvre-feu, bon, il part lundi, je pense que c'est fini. Je ne serais pas surpris que ça revienne en pire. Mais même là, j'ose pas trop m'avancer parce que ce que je fais par déduction, souvent, c'est là que je me trompe. Donc, j'ai le pressentiment que les États se servent de n'importe quelle excuse, attentat, pour cadrer la population. Oui, en effet, mais c'est pas n'importe quoi. C'est toujours choisi. Afin de prévoir les crises liées aux limites matérielles, ben, pour qu'il y ait des périodes de croissance, il faut qu'il y ait des crises. C'est une façon de faire qu'il y ait de la croissance à l'infini, si vous voulez. Donc, les moutons, on les tond, la laine repousse, on les retond, la laine repousse. Il y a des, voyez, des forces comme ça. Daniel Kim dit dans une vidéo que conseiller les autres est dangereux. Oui, c'est karmiquement, là, oui, parce qu'il y aurait une loi de conséquence par rapport à ça. C'est pour ça que je ne peux pas donner de conseils. Vous savez, là, quand je faisais des entrevues, souvent à la fin, on me disait de donner le mot de la fin. Si j'avais des conseils à donner ou je non. Je ne donne pas de conseils. C'est très important que le seul conseil là, que je peux donner, c'est de vous fier à vous-même. Puis, même si c'est subjectif puis que vous vous mettez dans la merde en vous fiant à vous-même, vous allez brûler de la naïveté puis affiner vos capacités. Donc, vous allez être de plus en plus fiable à force d'être déçu de vous-même. Ça peut sembler paradoxal, mais bon. Penses-tu qu'il soit normal d'avoir des douleurs physiques parfois fortes qui ensuite s'en vont avec le processus de conscientisation et plus de la douleur psychique liée aux mémoires qui se brûlent? Oui, jusqu'à un certain point, mais je vois quand même un problème là. Parce que le psychisme, c'est lié au corps beaucoup. Il y a des fois du psychosomatisme. Donc, c'est pas nécessairement un bon signe. Là. Mais pourquoi pas? Il souffle. Il souffle une fois chaud, une fois froid pour déboussoler les gens. Oui, c'est pour faire perdre les repères. Si vous voulez que vos populations perdent jusqu'à un certain point leur libre arbitre et acceptent de se faire mener, il faut qu'ils perdent leurs repères. Donc, c'est un peu ça, là. L'affaire, là, une journée, ils disent quelque chose, le lendemain, ils disent le contraire. Puis aussi de donner des directives qui sont incohérentes. C'est pour que les gens abandonnent leur sens critique. Donc, il faut leur faire perdre leur repère. Et pour se rassurer, ils vont accepter qu'on leur dise quoi faire. Comme Guylaine Tanguy qui dit « Ah, moi, j'aime ça qu'on me dise quoi faire. » Bon, ben si jamais je le rencontre, je vais dire de former sa gueule. Mais non, mais c'est une façon de parler. Il y a beaucoup de confusion dans la population. Ben oui, mais c'était confus déjà avant. C'est comme ça qu'on gère les masses. Une masse où il n'y a pas de confusion, puis tout est dans un bloc, c'est parce qu'il y en a eu avant, puis qu'on leur a donné une direction. C'est pas mauvais signe quand il n'y a pas de confusion. Donc, j'aime autant qu'il y ait beaucoup de confusion, ça veut dire au moins il y a une divergence d'opinion, puis... Pourquoi leur manipulation ne fonctionne pas sur un petit pourcentage de la population et sans rapport avec l'esprit? Mais ça, j'en avais déjà parlé au niveau des expériences cliniques. Il y a de 10 à 25% de la population chez qui certaines techniques ne fonctionnent pas. Puis ça semble pas nécessairement lié avec l'esprit, là. C'est comme ça, c'est un pourcentage qui revient comme ça. C'est un peu comme vous avez un pourcentage de la population qui est insensible à l'hypnose. Ce n'est pas lié au niveau de conscience, ce n'est pas lié à l'instruction non plus. Au niveau d'instruction, il semble que ce soit d'autres facteurs plus subtils. Mais j'ai vu des gens qui ont un contact avec leur esprit complètement tombé là-dedans dans le narratif. Dans ce qui est dit, puis complètement appuyer certaines choses que je considère liées à des forces de subjectivité anti-vie. Comme par exemple M. Sabourin qui dit « C'est pas un problème de gestion, non, il y a de la surpopulation sur Terre. » Lui, il dit ça. Ça m'avait surpris beaucoup. Pour Pourtant, il est sous le contact, monsieur Savourin. L'affaire, c'est que votre esprit va tout le temps vous donner ce que vous êtes capable de prendre. Puis, il peut aussi y avoir, pour des raisons psycho-affectives ou pour des raisons de peur, une rationalisation qui va engendrer une subjectivité. Donc, la Terre est-elle la seule planète où la fusion peut se faire? Ça, je le sais pas, bien franchement. Je sais qu'il faut être incarné là, dans un corps matériel. Donc, chez nous, on travaille tout le monde à accepter la picouse. Il faut voir à quel point ils défendent la picouse. Ils deviennent de plus en plus agressifs. Ben, c'est normal. C'est normal parce que s'il y a une rationalisation, dans le sens que les gens n'aiment pas avoir tort, c'est plus facile de convaincre les gens. C'est très, très difficile de convaincre quelqu'un qui l'est manipulé. C'est beaucoup plus facile de faire croire n'importe quoi à quelqu'un que ça. Dire à quelqu'un « t'as été manipulé » puis tu te trompes, la personne va se défendre. Puis elle va se défendre agressivement. Pourquoi? Parce que son identité est liée à ça. Aussi sa sécurité. C'est-à-dire que c'est anxiogène de d'imaginer que peut-être que c'était pas la bonne chose. Donc, quand vous dites à quelqu'un, ben là, tu t'es fait manipuler, puis vous lui créez de l'anxiété, vous lui faites peur. Bonjour, Sylvain. Bonsoir. Ils passent leur vie devant BFM la tête. Moi, vous parlez BFM TV, là. Ben, moi, j'écoute pas ça. Là. Au Québec, les gens écoutent TVA. TVA. Les slogans de TVA, c'est LCN aussi, là, qui est la chaîne en continu, un peu comme BFM TV. Puis eux, leur slogan, c'est « parce que c'est vrai ». Aussi, TVA, un de leurs slogans, c'est « diffuseur d'émotions ». Diffuseur d'émotions. Non, quelqu'un qui connaît certains aspects de la subjectivité humaine, certaines mécaniques psychologiques, ça lui sonne une cloche. Ça dit « ding, ding, ding, danger ». Mais pas la majorité des gens. Ça ne fait pas partie de l'éducation d'expliquer ces processus-là. Donc, les gens, bon. La télé, désolé, ouais. Ils passent leur vie devant la télé. Ben, vous savez, des fois, je suis inquiet. Pourquoi? Parce que quand je fais des lives, il y a des gens qui sont là à chaque fois. Soit ça veut dire qu'ils sont connectés télépathiquement avec moi, puis ils savent quand je veux faire un live, soit ça veut dire qu'ils sont tout le temps devant leur écran d'ordinateur. Dans les deux cas, je ne trouve pas ça rassurant. Oui, diffuseur d'émotions. Ben oui. Est-ce que c'est pas ridicule à votre goût, ça, sachant que l'émotion, c'est là qu'au niveau psychique, la libido désexualisée, c'est-à-dire l'énergie animalienne vitale, c'est au niveau des émotions, c'est ça qui va nourrir les programmes qui sont liés à l'âme, c'est-à-dire des mémoires structurelles où s'écoule l'énergie, puis que c'est pas diffuseur de lucidité, c'est pas diffuseur de raison, non, diffuseur d'émotion, c'est-à-dire on donne du gaz, on vous donne pas la clé des programmes, on vous donne l'énergie pour que les programmes continuent. Donc, c'est à ça que ça revient. Y a-t-il un lien subtil avec la création d'Israël en 48 et l'instauration du drapeau québécois? Les couleurs du drapeau, la fleur de lys. Les... Il me semble que c'est arrivé plus tard que 48, le drapeau bleu-blanc. Là, c'est pas... Vous savez, c'était le drapeau de... Voyons, c'est un ordre catholique, ça. Habituellement, il y a le Sacré-Cœur de Jésus qu'on appelle en plein milieu. Là, je ne me souviens plus le nom de... Le drapeau du Sacré-Cœur, je pense. Mais c'est en 40... c'était pas officiel encore, me semble, en 48. Mais non, je vois pas de lien. Vraiment, là. Mais en plus, que, si on peut dire, c'est deux forces qui s'opposent beaucoup, là. Deux nationalismes très différents. Mais d'une certaine façon, une polarité d'une même forme, peut-être. J'ai un copain, il dit « La télé, c'est la boîte de Satan ». Ben, pas tard. William Crookes, le physicien qui a inventé le tube cathodique, ils ont tout de suite vu le potentiel de ça. Donc, on parle à des gens En tout cas, bonjour, bonheur, lumière. À part être devant les écrans et attendre que nos gouvernements décuvent de leur folie alcoolique, quoi faire? Ben, faites de l'exercice. Vous pouvez acquérir de nouvelles compétences. Ah oui, le cœur immaculé. Ben, il y a le Sacré-Cœur puis le cœur immaculé, c'est parce que l'un, c'est Jésus puis c'est celui de Marie. Donc, cette espèce de couple sacré et incestueux, là. Les Freudiens, il y en a qui ont dû avoir du fun avec le catholicisme parce qu'il y a du stock. Mais là, je ne suis pas en train d'envoyer dans cette direction-là, là. C'est pas de ça que je veux dire. Mais moi, peut-être cœur immaculé, mais il me semble que c'est le Sacré-Cœur. En tout cas, de toute façon, ça revient au même. C'est pas à mes yeux, là. C'est uniquement chez moi où te serais-tu fait repérer beaucoup de ralentissements au niveau de la connexion. Ah, c'est possible. Peut-être tout simplement parce que je suis plus loin de la boîte Wi-Fi. Donc, slogan, diffuseur d'émotions littéralement scandaleux. Oui, je trouve aussi. C'est-à-dire, c'est supposé être des nouvelles. C'est supposé être objectif, mais non. Diffuseur d'émotions. Donc, bon après-midi, monsieur Touga. Bonjour, Virginie. Donc, Christine, être humain vivant. Les mots ont leur importance. La télé avec des programmes et des chaînes, et voilà. Ben oui, c'est comme, c'est très astral, là. Juste l'affaire, les programmes puis les chaînes. Mais bon. Oui, c'est le Sacré-Cœur, j'ai validé. OK. Ben oui, il me semblait aussi. Vous vous souvenez, là, la prière, le Sacré-Cœur de Jésus, gna gna gna gna gna. Je la connais pas par cœur, là, mais disons que j'ai dans ma mémoire la mémoire de ces choses-là. Puis, bon, le Québec a déjà été un endroit. Des fois, je me demande s'il n'était pas mieux dans sa merde que tout nu comme maintenant, à se faire flageller. En tout cas, mais bon, je suis un portail organique. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Donc, moi, oui, ben, TVA appartient à Pierre-Carl Péladeau, qui est lui-même un héritier de M. Péladeau père. Et vous savez, un héritier, c'est jamais comme quelqu'un qui a construit une entreprise, c'est très différent psychologiquement. C'est pour ça que Machiavel disait, quelqu'un qui a construit sa fortune la conserve facilement, quelqu'un qui hérite de sa fortune la perd facilement. Donc, c'est pas du tout la même énergie, là, si on peut dire, entre le TVA de maintenant et ce qu'a été Québécois dans le passé. Le projet Looking Glass, connaissez-vous? Non. Non, pas du tout. Ça a l'air d'une affaire pour vendre des montures de lunettes. Pourrais-tu développer ce qu'est une vibration? Ah, ouais, j'ai beaucoup de mal à appréhender le réel, et ce mot, peut-être pouvons-nous le comprendre lorsque l'on en fait l'expérience. Ça me surprend, ça. Ça me surprend, parce que normalement, même les enfants, ils comprennent ça, souvent. Ça m'est arrivé même. Prenez une ambiance, par exemple. Vous pouvez pas mettre de mots, mais vous allez sentir qu'il y a une lourdeur ou une légèreté, ou c'est un peu ça la vibration, là. Prenez la différence au niveau de l'ambiance que fait la musique dans un film. C'est en quelque sorte vibratoire, ça. Donc, ça vous donne une idée. Mais ça va être lié à un ressenti qui est au-delà des mots, ou même de l'intellectualisation. Des fois, vous allez avoir un mauvais sentiment ou ressentir une ambiance que vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus. Ben, c'est ça, la vibration jusqu'à un certain point. Donc, je ne sais pas si ça marche bien pour vous là, comme exemple. Mais bon. Mathieu, maintenant tout qui est monde connaît tous leurs projets. Bon. Vous savez, là, quand dans un plan bien ordonné, vous allez maîtriser l'information du début à la fin. C'est-à-dire, vous allez faire en sorte qu'une partie du plan soit connue, même de l'ennemi. Un peu comme quand vous jouez aux échecs. puis que vous essayez de faire croire à l'autre que vous allez faire. L'autre, il voit tout l'échiquier, là, c'est au niveau de l'intention qu'il va y avoir une tromperie souvent. Il y a une théorie qui dit qu'une entreprise familiale ne dure rarement plus que 3 générations. Oui, c'est ce que Machiavel dit aussi. Il dit une fortune, ça se perd en 3 générations à peu près. Un projet de l'armée qui aurait servi à percevoir dans l'avenir. Ah oui. Ah, non, je ne veux pas. Vous savez, par déduction, juste par l'intelligence artificielle, un ordinateur, ça peut calculer très vite. Vous pouvez jusqu'à un certain point, d'un point de vue cybernétique, un peu voir dans l'avenir. Le problème, c'est qu'il y a un facteur accidentel, que ça, c'est le réel. Donc, je comprends pour la vibration, mais elle peut être grandement manipulée par les émotions. Oui, c'est ça. Les émotions vont engendrer de la subjectivité. C'est là où on peut dire, tout est perçu selon le contenant. Dans le sens que, si vous êtes dans un état psychique altéré, vous allez percevoir d'une façon altérée les choses, dont les vibrations, dont la vibration. Donc, une ambiance mentale, oh, ça, je trouve que c'est différent. Si on est moins dans l'âme avec le mental, il va y avoir une désanimisation du vibratoire, puis là, ça devient beaucoup plus clair. Il y a moins de chance à ce niveau-là, là, une ambiance mentale. Il y a moins de chance, justement, de subjectivation de la vibration. Mais ça revient à des longueurs d'onde. Hein? Au-delà des particules, il y a des ondes. En tout cas. Mais je doute que ce soit réellement arrivé. Ah ben moi aussi, je parlais l'affaire dans le temps là. Démarrer à une maison à 15 minutes de chez nous. Je pense que je vais y aller faire un petit. Bon, vous démarrer. Ben, ils en ont plein de maisons, eux autres. Vous restez sûrement pas à 15 minutes de Sagar. Vous savez, le domaine des démarrés, c'est presque aussi gros que Versailles. Bon, c'est beaucoup plus laid, là. Parce qu'il y a des niveaux en dessous. Hein. Regardez le domaine, c'est vraiment gros. Sagar, bon, c'est pas aussi grand que Versailles, là, quand même. Là. Mais si vous prenez là, l'espèce de gros lac, là, puis tout le domaine autour, puis c'est assez impressionnant, Sagar. Mais vous savez, le problème avec les démarrés, ils ont les moyens, ils ont les capacités, ils ont la possibilité, mais ces gens-là ne sont pas très créatifs. C'est très froid, Sagar. C'est pas très intéressant, architecturellement parlant. Bon, j'ai toujours voulu avoir les moyens de bâtir ma demeure. Puis, Sagar, je trouve pas ça intéressant. C'est juste gros, puis même, c'est beaucoup trop gros. Là. C'est même trop. Bon, en tout cas, quand vous sentez une lourdeur, un malaise, quand vous êtes à côté d'une personne, éloignez-vous. Votre vibration va chuter. Moi, dans le sens que c'est un peu comme vous faites sonner des cloches puis que vous les approchez, il va y avoir des dissonances au niveau vibratoire. Comme dans un chœur qui chante, des gens qui font partie d'une chorale, les chœurs vont être portés à être synchronisés. Pourquoi? C'est un phénomène vibratoire. C'est lié à la mécanique vibratoire. Donc, c'est certain que si vous n'avez pas... vous pouvez avoir un renforcement au sens, si vous êtes quelqu'un de très, très, très solide psychiquement, c'est votre vibration qui va influencer celle de l'autre, par contre. Mais oui, il peut y avoir une chute. Il y a un 18 trous de golf sur le domaine. Ah oui. Il y a tout, hein, de tout. C'est une autre chose que je comprends. Pour avoir les moyens, c'est la dernière chose que je ferais faire. C'est ridicule. Mais ils ont les moyens de prendre un jet privé, d'aller jouer au golf un peu partout. Ben non, il faut que ce soit... bon. C'est aussi ridicule que la crèmerie, là, à Versailles, que Marie-Antoinette avait fait. Bonjour de Provence, un peu de soleil pour vous. Ah bon, les petits sons de cigales. Ben oui, la lavande, mais là, c'est pas le temps, je pense. Hein. Je sais pas, ça fait combien de récoltes par année, la lavande en Provence. Est-ce que tu crois que les champs magnétiques peuvent affecter les champs vibratoires? J'habite près de lignes électriques à haute tension. Oui, mais vous savez, au contact de l'expérimental, il va y avoir un endurcissement à certaines choses. C'est pour ça que les gens qui sont hypersensibles, par exemple,

presque méchant avec certaines personnes. C'est rare que ça arrive, mais des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre à faire. Les forces anti-vie qui sautent à plein fouet sur le Québec essayent-ils de bloquer l'éclosion du potentiel de ce lieu géographique? Mes amis veulent partir en Alberta, mais j'ai une certitude de rester. Ben, vous savez, moi, je pense que ça donne rien de free. J'aimerais autant couler avec mon bateau que de l'abandonner. Puis c'est pareil pour un pays, puis c'est pareil pour une planète. Puis de toute façon, c'est l'ego qui va couler. Puis, en tout cas, c'est une façon de parler. Mais les forces anti-vie vont devenir des forces de stimulation de la vie au fond. Parce que ça va créer de la survie, des forces de survie. Donc, l'affaire d'aller partir en Alberta, là. Oh, juste le mot Alberta, vous ne trouvez pas que ça a l'air plate? La pensée et la peur amplifient effectivement la charge. Ben oui. Si vous regardez Okorovitz, là, la suggestion mentale, il explique bien le phénomène. La musique. C'est drôle, j'ai tellement aimé la musique dans ma vie, j'en ai fait beaucoup pour aujourd'hui. Les lignes de tension à côté de chez moi, dans l'endroit où j'habitais avant, me causaient des paralysies du sommeil à tous les soirs jusqu'à des hallucinations durant plusieurs minutes. Et voilà. Et voilà. Puis même, ça peut ouvrir des portes sur les plans, puis vous pouvez être asticoté par toutes sortes de choses. Puis c'est pas des hallucinations nécessairement. Quand vous voyez quelque chose sur les plans, c'est pas nécessairement une hallucination. Ça peut être une interprétation subjective d'une autre réalité. Mais bon, Continuum, c'est très intéressant à écouter. Voilà. Moi, je ne connais pas. Donc, je ne sais pas quoi vous faites référence, Marine. Un scientifique électrosensible a écrit une brique sur les CEM. Et chaque électrification massive de la Terre, il y a des pandémies. Oui, possiblement. En tout cas, il y a une altération possiblement de tout ce qui est systémique, donc aussi le système. Mais à chaque pandémie, il y a des gens qui ne sont pas affectés aussi. L'Alberta, c'est la beauté par excellence. Oui, c'est très beau. Mais prenez-moi par exemple, qu'est-ce que j'irais faire là? Je m'y ennuierais, c'est certain. C'est sûr que c'est beau. Mais bon. C'est comme vivre, j'irais, c'est très beau, certains musées, c'est très beau, mais j'irais pas vivre là. Ce qui va arriver, ça va être, moi, l'énergie vibratoire des gens que je regarde. Donc, l'Alberta, puis j'ai un cousin qui est allé vivre un bout de temps, puis oui, c'est très beau. Mais je pense qu'il avait hâte de s'en revenir. Ce qu'il va arriver, ça va être plus facile pour des personnes qu'elles ont vécu dans la souffrance que les personnes avec une cuillère en or dans la bouche. Et voilà. C'est certain, ça. Donc, la suggestion mentale est introuvable à part en PDF. Moi, j'aime bien les livres. Faudrait que je cherche plus dans les boutiques. Ah, c'est drôle, j'ai vu en plusieurs exemplaires. J'ai eu plusieurs exemplaires. Ça fait 5 ans que j'habite près de la ligne haute tension et j'ai perdu le sommeil. Il vous faudrait trouver une façon de le recouvrir. Peut-être même quitte à déménager, peut-être ou de temps en temps aller dormir ailleurs. Vous pourriez là, vous faire une petite amie chez qui dormir ou si vous avez... Je discerne la sensation de la voix dans la tête versus l'idée qui pénètre. Mais des fois, la voix peut sembler intelligente, mais des fois, peut sembler illogique. Vice-versa avec l'idée, il se passe quoi? Ah, ça, c'est très subtil. Parce que des fois, ça va dire des conneries pour tester. On dirait que ça veut tester un peu comme quelqu'un qui ramasserait un chose de CB et qui dirait... Un deux, y a-t-il quelqu'un à l'écoute? Puis des fois, ça va être des conneries, mais vraiment, là, dans ce temps-là, quand c'est illogique, vous le soulignez, vous le démontrez intérieurement par des pensées qui vont en ce sens-là, comme quoi c'est illogique. Puis là, vous regardez le mouvement qui suit. Qu'est-ce qui va arriver? Puis c'est vrai que Des fois, c'est juste du picossage. Si je peux m'exprimer comme ça. Alberta, oui, ça sonne comme Albert au féminin. C'est surtout que ça sonne province de l'Ouest, puis anglais, là. Puis, bon, c'est sûr que il y a du monde que ça dépend, là, de la personnalité des gens, mais. Je sais pas, là. En as-tu une de trop à prêter? Ah, oh, j'ai eu plusieurs. Vous parlez la suggestion mentale, là, j'ai eu entre les mains plusieurs copies, mais il m'en reste juste une. Puis c'est entreposé dans un entrepôt. Donc, Albert en féminin. Ouais. Ben, je sais pas si c'était lié au prince Albert. Peut-être le prince Albert, là. L'Allemand, là, de la reine Victoria, là. Ça doit venir de lui, ça. Alberta. À moins qu'il y ait eu une Alberta quelque part. C'est sûr qu'elle parlait anglais, puis qu'elle était frigide un peu. Non, mais je parle d'Alberta, là. C'est sûr que c'est beau, ben, l'ouest du pays, c'est certain. Mais c'est comme, je sais pas. Il y a plein de belles choses que j'irais pas vivre, là. C'est sûr que c'est beau, mais ce qui est important pour moi, c'est les gens. C'est la vibration du lieu. Prenez le Québec, par exemple, il y a en même temps la vibration de l'Amérique et la vibration de l'Europe, un peu. J'ai pas vu ça ailleurs. Puis j'ai visité une partie du Canada, j'ai jamais revu ça ailleurs. Donc, même le Maine, j'ai trouvé ça lourd. C'est lourd. Donc, parler dans sa tête et parler à voix haute, la différence. Par avoir l'air fou en public, ben, c'est ça, là. Faut faire attention. Une fois, j'étais à l'épicerie, puis là, j'étais dans l'épicerie, puis tout d'un coup, je me souvenais plus ce que je faisais. Dans le sens que je me rappelais plus ce qu'il fallait que j'achète. J'ai complètement perdu mes idées, comme si on m'avait enlevé d'un coup. Puis j'ai failli me choquer, puis dire, hey, là. « Peux-tu revoir mes idées, s'il vous plaît? » Puis finalement, je ne l'ai pas fait, j'ai attendu. Parce qu'il y avait du monde autour. L'enfer est toujours bien décoré. Oui, ça, c'est vrai. Il y a des affaires, là, c'est tellement impressionnant. Vous savez, là, comme Swedenborg, là, les chants de fleurs qui chantent. Là. Chaque fleur est comme une voix, puis ça chante. Un chant de fleurs, là. C'est inimaginable, les décors qu'on nous fait. Si ce n'est pas indiscret, quel âge as-tu? Sens-toi libre de répondre pas. J'ai 39 ans. Pour moi, ça lessive très fort en ce moment. Je suis terrassé, broyé. Je sens que la chrysalide se déchire. C'est très, très soufflant. C'est calme pour vous autres. J'ai eu des périodes difficiles il y a quelques années, puis on dirait que je suis dans une période de stase, comme si je digérais. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu d'expérience au sens, là, par exemple, comme tout ce qui est un petit peu paranormal. Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu d'expérience intéressante. Puis je vais être franc, là, je m'en porte très bien. Puis bon. Une entité a enlevé un liquide de ma colonne vertébrale pour revenir l'ajouter plusieurs minutes après l'avènement de cette paralysie du sommeil. Je flottais au plafond et je me regardais sur mon lit. Oui, mais là, le problème, c'est qu'on ne peut pas vérifier empiriquement si ce n'est pas des images qui ont été engrammées dans votre mémoire animique ou si c'est arrivé réellement. C'est là que ça devient très, très... Il faut être très, très prudent. Très prudent. L'enfer est sur la terre et pas ailleurs. Ah, ben, je dirais il est sur la terre aussi, oui. C'est un état d'esprit, hein, l'enfer. Tu as tous les plans présents ici avec nous, dont l'enfer. Bonjour, Beltrude. Bonjour à tous. Bonjour, Lauren. Alberta Pike. Ah, je ne connais pas. J'aime pas ce nom de famille, en tout cas. J'ai de la misère à m'ajuster avec des personnes superficielles et peu de profondeur. J'essaie de m'ajuster à eux, mais j'ai l'impression de ne pas me respecter. Comment agir avec cette adversité? Il va falloir avoir plus d'empathie, peut-être. C'est-à-dire que des fois, vous avez l'impression que la personne est superficielle, elle manque de profondeur, mais vous la jugez peut-être un peu, là. Quoique moi-même, je fais pareil. Ça m'arrive. Mais de voir la personne, faut voir la personne au-delà de sa superficialité, puis au-delà de son manque de profondeur. Parce que des fois, ça m'est arrivé de considérer des gens comme superficiels, puis c'était moi au fond qui avais une vision superficielle de cette personne-là. C'est multidimensionnel, l'autre aussi. Donc, c'est là que des fois, juste se laisser aller, puis des fois, l'autre n'est pas obligé d'être profond. Donc, oui, c'est à nous de nous ajuster. Donc, mais là, l'affaire de ne pas se respecter, ça dépend, est-ce que c'est si pénible? Ça dépend tout le temps du contexte, des circonstances. Voyons, ça gueule donc bien fort en haut. Comme pour faire peau neuve, mais ce n'est pas des mots. Là, c'est très, très réel et ça fait mal. Vous avez quoi de la souffrance psychologique? Avez-vous de la souffrance physique? Ça devient. J'aimerais te lire. Si je t'achète un chapitre par semaine pour la primeur, est-ce que tu conserves tous les droits? Ben non, j'écris pas. Ben, j'écris quand je réponds au monde. Pour ça. Ben, j'ai écrit des choses, j'ai beaucoup de stock. C'est pour ça, à un moment donné, je dirais ça ne serait pas long pour moi de faire un livre. J'ai rien qu'à tout remettre en tout ce que j'ai pu écrire, mais non, là. Et oui, l'autre est aussi multidimensionnel, c'est ça. Donc, souvent, des fois, on va dire, ah ben lui, il ne se rend pas compte de grand-chose. Ouais, mais on est pris dans un espace-temps, là, linéaire. C'est peut-être vrai en ce moment, mais ça sera peut-être pas vrai dans quelques années. Puis il y a peut-être au-delà du temps puis de l'espace un lui qui a de l'allure, qui est très profond, qui vous observe. Puis ça peut se manifester à travers son lui de maintenant. Donc, c'est pour ça que des fois, je vais être picocheux. J'essaie de voir s'il va se manifester quelque chose, mais il y a des gens que, bon, ça marche pas. L'antithésation, c'est pratique. C'est difficile de se mettre en colère contre des forces complètement impersonnel. Non, l'affaire de la colère, il faut que ce soit contre le désajustement d'un état qu'on subit, par exemple. Donc, la colère, elle ne va jamais être contre un autre ego, nécessairement. Ou, bon. Moi, c'est les gens qui débordent qui m'énervent, comme des gens qui sont logoriques. Mais, surtout, j'en ai vu des qui étaient difficiles là, en durée, là, mais. Moi, mais c'est un énervement normal, disons. Marco Vachon BDM est daté pour moi. Ben oui, il est daté pour. Ça dépend sur quoi, par contre. Ça dépend sur quoi. Ce qui a fait là, la psychologie évolutionnaire, là, des fois, c'est encore en avance. Je trouve que c'est encore en avance, en tout cas. Ça fait souffrir dans le mental et les nuits sont très chargées. Perdu un peu le goût à la vie en ce moment. Pourtant, j'aime la vie. Ben là, ça, c'est jamais des forces évolutionnaires, là. Perdre le goût à la vie, là. Il y a quelque chose, là, qui est pas rassurant dans le sens que c'est quoi qui est vraiment en train de vous travailler, là? Faudrait regarder ça. Parce que les nuits sont très chargées, vous êtes supposé dormir la nuit pour avoir la paix. Même moi qui ai j'ai toutes sortes de petites douleurs, là, même la nuit je dors plus j'ai la paix. Donc, mais en tout cas j'ai eu des phases un peu comme vous dites aussi, mais là ça fait souffrir dans le mental. Comme c'est du cas par cas, c'est difficile là, de. Pourquoi dans les médias en France, on fait des tonnes de débats sur le VAC et virus, alors que si ça semble impossible, et quoi la peur au Québec? Parce que les Français, ils aiment ça jaser. Dans le sens que tant qu'on en parle puis qu'on fait débat en France, est-ce qu'il s'y passe autre chose pour autant? Est-ce que ça empêche Macron d'emmerder le monde pour autant? Tant qu'on débat, il n'y a rien de réglé. C'est pas mieux qu'ici. C'est juste que c'est adapté aux Français. Alors qu'ici, c'est adapté à nous. Un peu comme l'Église qui est autoritaire dans le temps. Donc, le Québec, de par sa nature isolée, est utilisé comme un laboratoire en terre d'Amérique, un genre de projet. Oui. Ben, on sert aussi de laboratoire pour le reste de la province, là. C'est pour ça que l'autre en Ontario, il suit Legault, là. Puis que c'est Legault le plus. En tout cas, je me rends compte que je ne doute jamais, que je n'ai doute jamais parlé. Je balbutie à peine, mais ça bloque. J'écris un peu comme ici sur le chat. J'ajuste ce que j'écris jusqu'à être satisfait. Ben oui, mais c'est comme dans n'importe quoi. Dans le sens même, un écrivain va des fois y aller par tâtonnement. Le truc, c'est d'écrire tous les jours. C'est pareil dans tout. Les intelligences sont en train d'évaluer la portée de leur prochain choc. Peuvent-ils vouloir avorter l'expérience humaine sur Terre? Ben non. C'est comme quelqu'un qui a une grosse, grosse ferme bien, bien rentable, il va pas mettre le feu dedans. Le dehors, je m'en débarrasse. Il va tout le temps essayer de la rentabiliser d'une façon ou d'une autre. L'inceste que j'ai subi par mon père dans mes trois ans, je l'avais traité, mais pas jusqu'au bout à 50 ans, ça me claque la porte sur le visage. Ah oh oui, ben là, vous avez possiblement affaire à des gros blocages, là. C'est là que c'est certain que ça commence à être des choses assez lourdes pour avoir bloqué beaucoup, beaucoup de choses. Là, c'est certain, s'il vient plusieurs choses que vous avez intégrées en pas long, qui ont fermenté, là, si je puis dire, sous la surface pendant des décennies, c'est là que je me dis, est-ce que c'est le temps de s'intéresser à l'intégration d'une conscience en dehors du psychologique? Faut beaucoup s'attarder au psychologique avant, au moins. Donc, en tout cas, vous savez, là, pas mettre la charrue devant les bœufs. Les rares fois que je fais face à une mémoire émotive, bon, là, ça va trop vite. Les rares fois que je fais face à une mémoire émotive, les pensées s'acharnent et se charrient. Je dois constamment contester quand ça arrive comme l'eau qui bouille. Ben oui, mais là, c'est là. C'est parce que vous nourrissez ce que vous combattez en le combattant. Si vous essayez, c'est comme quelqu'un qui médite, tu dis qu'il veut pas avoir de pensée puis faire le vide à tout prix, ben il se crée un plein à mesure. Ça fait un roulement. C'est un peu de ça, là. Donc, la mécanique, observer passivement la mécanique sans intervenir. Puis, à un moment donné, ça va que j'ai fait face. Là. Je veux dire avec un C, là. Moi. Des fois, ça donne rien de faire face. On nourrit en faisant face, des fois. Je ne sais pas si vous voyez là, ce que je veux dire. Et je viens de perdre ma chienne. Mon seul honneur, c'est bonheur en ces temps difficiles. Ah, ben là. Ouais, ça s'acharne, hein, on dirait. Si vous vous rendez disponible dans le sens que vous êtes attentive à ce qui se présente autour de vous, bien possiblement que vous allez trouver d'autres bonheurs. Mais là, je suis d'accord avec vous que vous savez, là, quand votre deuil va être fait, peut-être qu'il y a, mais ça se peut qu'un autre animal se présente dans votre vie quand ça va être ajusté, que ça arrive. Donc, salut, je ne sais pas si tu en as déjà parlé. Que penses-tu de cette croyance de l'augmentation vibratoire et de ce mouvement channeling? Ben moi, mes yeux, c'est pas de la croyance. Le problème, c'est que l'augmentation vibratoire, une batterie très puissante peut être mise dans un gadget inutile. Et pour ce qui est du channeling, on peut canaliser des poubelles. C'est pas une affaire de croyance, c'est une affaire d'expérience et de discernement. Un verset du Coran dit que Dieu est celui que les regards n'atteignent point, tandis que lui les embrasse tous. Oui, ben ça ressemble à la vision en Dieu de Malebranche, dans le sens que ce qui voit tout, nous voyons en lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça revient rejoindre le mysticisme d'autres courants. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la forme, il y a de quoi de réel là-dedans. Jolie définition qui rejoint celle que je pourrais donner au réel. Pas vous, non, pas moi. C'est pas le réel, ça. Ça peut être réel, mais ce sera pas nécessairement le réel. Pour qu'il y ait le réel, il faut qu'il soit intégré par une individualité de conscience en évolution. Puis ça, c'est plus le champ, l'espace commun. Donc, bon. Marie-Jeanne, vous parlez de déni, mais je ne vois pas à quoi vous faites référence. Donc, Léon 14, n'oubliez pas, récitez votre chapelet quotidien afin d'empêcher les démons d'avoir de l'emprise sur votre âme et sur vos pensées. Ah, vous pouvez vous donner ça comme conseil. Vous savez, maintenant, une étape où l'être humain va devenir plus habile et intégrer du réel, justement, il va falloir qu'il intègre sa propre autorité. Il va falloir qu'il se rende compte que par sa propre parole, il peut avoir autorité sur les démons sans avoir besoin de support comme des formes, comme le chapelet. Peut-être que ça sonne sacrilège ce que je vous dis là, mais l'affaire de réciter le chapelet quotidiennement, c'est pas mieux que des mantras d'hindous, là. Parce que c'est de la mécanicité, c'est-à-dire une structure qui est là pour pallier le fait que l'être humain n'a pas l'autorité de donner par lui-même une direction à l'énergie et qu'il est obligé d'emprunter au niveau de la mémoire collective de vieilles formes. Donc, moi, j'en appelle à aller même au-delà de ça. Comme ça, il n'y aura pas besoin de répétition pour tenir les démons éloignés. Ils vont se tenir éloignés d'eux-mêmes. Comprenez-vous, là? Parce que là, n'oubliez pas de réciter votre chapelet quotidien, là. Ça, c'est de l'esclavage, c'est toujours à recommencer. Alors que la lumière n'est pas censée se tarir en vous et se renouveler de par elle-même. On dirait que tu as des tremblements. Oh, c'est parce que de temps en temps, avec mon pied, je donne des petits coups par terre pour faire fuir les démons. C'est toujours à recommencer, semble-t-il. Non, l'affaire, moi, des fois, je suis... Comme là, j'ai les jambes croisées, puis de temps en temps, avec mon pied, parce que là, je suis assis sur une chaise. Habituellement, je suis assis sur un petit fauteuil japonais, puis j'ai les jambes comme ça, donc je suis plus stable. Mais là, étant sur une chaise, puis je dois avouer que je suis fatigué d'entendre mon voisin d'en haut, là, j'aimerais bien ça qu'il nous donne un break. En France, ce qui apparaît du débat n'est qu'un simulacre créant l'illusion de la contradiction alors qu'il n'en est rien. Voilà ce que je pense aussi. Voilà ce que je pense aussi. C'est là pour faire une diversion. C'est-à-dire que par l'illusion du débat, on crée l'illusion d'un choix alors que tout est prédéfini d'avance. Que pensez-vous de la cause de l'addiction aux réseaux sociaux en effet de scroller tout le temps? Ben ça, je ne le vis pas, je suis sur aucun réseau social, mais c'est la même chose que les autres addictions. Exactement pareil. C'est lié au mimétisme social, entre autres, et au fait que l'être humain, individuellement, ne comprend pas encore les mécanismes de l'âme collective. Prenez TikTok à un moment donné, là, qui est un réseau social que je ne comprends pas pourquoi les gens adhèrent à ça, c'est la Chine communiste qui a créé ça. Et puis, il y avait des jeunes qui avaient comme par contamination, par mimétisme, des tics et des tocs. Le réseau s'appelle TikTok. Mais oui, mais c'est lié au mécanisme de l'âme, c'est-à-dire que la mécanique n'est pas conscientisée, elle n'est pas intégrée. Donc, les gens ont des addictions liées à du mimétisme social et à des influences. La pensée vient d'ailleurs, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que, par exemple, la personne qui va avoir une addiction à quelque chose et qui a la pensée de s'adonner à son addiction est sous influence. C'est un peu ça de la possession, c'est-à-dire tout ce qui ne vient pas de vous. Heureusement que j'ai le contact avec le systémique et les énergies, ben je vous comprends. Parce que les gens qui n'ont pas le contact, ils sont à plaindre. Ils sont à plaindre, ils sont obligés de s'en remettre à toutes sortes de choses. Des fois, après, on peut voir ça comme des addictions. Lise, bonjour. J'ai encore rêvé que je voulais entremêler, que je volais entremêlé dans des fils électriques. Et depuis 2 ans, j'ai beaucoup de douleurs cervicales suite à un gros choc émotionnel. Les deux sont-ils reliés? Fort probablement. Le seul fait là, que ça vous vienne à l'esprit que c'est relié, il y a quelque chose là à mes yeux. Donc, à propos du channeling, il me semble que c'est une perte de temps qu'on y apprend peu de nouvelles choses. Merci d'être là. Bon, de rien. L'affaire, moi, c'est au niveau d'une canalisation. Si ce n'est pas utile puis vérifiable tout de suite maintenant, je m'en occupe pas. Faut que ce soit utile. Des affaires là, par rapport à des atlantes puis des cossins qu'on ne peut rien faire avec. Déni par rapport à l'inceste. Ouais, ça dépend. Ça dépend de quoi vous parlez. Bonjour Bertold et à tous. Mathieu Touga qui rit. Bonjour Lionel. Ah ben merci. Liliane. Benoît, la causalité de l'harmonie entre l'énergie yin et yang amène le non-diffraction du rayonnement de la lumière vers l'humain. Amène le processus de l'électrification neuronale. À mes yeux, c'est plus simple que ça encore. C'est plus simple que ça encore, dans le sens où il n'y a pas besoin de mêler le yin-yang et la non-diffraction à ça. On a une amplification par le cellulaire dans l'électrification neuronale. Votre système cellulaire. Au niveau du noyau des cellules, il y a quelque chose qui se passe là, qui est une sorte de petite fission nucléaire, comme des petites centrales, puis ça lie au plan. C'est-à-dire que c'est là qu'il se passe quelque chose qui fait que vous êtes vivant. Mais le vrai vivant, là, pas l'imitation du vivant. Le vrai, vrai vivant, il faut que l'énergie passe d'un plan à l'autre. Donc, l'électrification neuronale, il va y avoir une amplification de ce phénomène-là. Tout simplement. Connais-tu Yvan Poirier? Que penses-tu de son discours? On m'en parle souvent, c'est pas lui les vibra-conférences. J'en pense rien, je ne l'écoute pas. Il fait ses affaires. Je le connais pas, le monsieur. J'ai déjà écouté une de ses vibra-conférences où ça parlait de delphinoïdes, fait que j'ai fermé ça puis je suis allé faire d'autres choses. Là, moi, je peux rien faire avec ça, les delphinoïdes. La pyramide avec l'œil en haut donne un symbole descriptif et opérationnel autour duquel s'articule l'exercice du pouvoir des élites sur les populations. Ben oui. Entre autres, parce que c'est par une triangulation qu'on peut opérer. Parce qu'eux autres, c'est pas être créatif, c'est des opérations. C'est pas du monde créatif, ce monde-là, là. C'est du monde opérant. Solvay Coagulum. Les démons, une vieille forme. Qu'est-ce qu'un démon? Ah ben là, on peut donner plusieurs réponses à ça, mais attention. Bon, enfin, un peu de vibratoire par rapport à cet effet. Petit chapelet. Bon, non, dites pas ça, c'est pas bien fait. On peut pas manquer de respect aux gens à qui ça sert. On n'a pas le droit. C'est pour ça que moi, je ne viendrai pas parler. Je vais donner mon opinion, mais dans les mains de certaines personnes, il est utile, le chapelet, puis il est correct. Ça soit. C'est pour ça, là. Attention un peu. Bon, j'étais où? Ben, c'est possible de changer des choses par les réseaux sociaux et d'amener la nouvelle conscience et le nouveau monde que l'on peut créer. Oui. Ça revient à ce que Bernard appelait manipuler ce qui nous manipule. Bernard disait, quand c'est bien, c'est plate. Quand c'est plate, C'est à nous de trouver un moyen de nous divertir pour ne pas être dans un mode de dépression. Moi, puis là, divertir, il ne faut pas que ça soit dans le sens de diversion. Léon XIV, votre propre autorité n'a pas de pouvoir sans l'aide de Dieu. Ça dépend ce qu'on veut dire par là. Vous devez vous relier à Dieu qui est la source de votre potentiel divin afin de pouvoir repousser les démons. OK, vous allez m'expliquer où Jésus parle de chapelet puis il dit de faire son chapelet. Vous allez me trouver ça dans les évangiles. Par contre, je me souviens très bien qu'il est écrit « Quand tu répètes d'une façon répétitive, j'écoute pas. » Et ça dépend de l'intensité que la personne met dans son chapelet. Moi, je ne suis pas contre vous, puis je ne suis pas là pour vous contredire. Tel outil va servir dans les mains de telle personne, mais vous ne pouvez pas me forcer à prendre un outil dont je n'ai pas besoin. Puis les démons, c'est loin pareil. Dans le sens que, je me souviens très bien dans les évangiles, les questions de l'autorité de la parole. Donc, il n'y a pas de chapelet, là. Moi, je ne me souviens pas avoir vu de chapelet dans les évangiles. Ça, le chapelet, c'est un outil liturgique qui vient avec la doctrine apostolique romaine catholique. Donc, ça ne vient pas de l'évangile, là. Moi, mon Jésus à moi, c'est le Jésus dans les évangiles. C'est mon référent. Parce que là, l'affaire, là, on va être clair, là, il y a une grande différence entre le christianisme et le catholicisme, à mes yeux. Dans le sens que si l'un fait partie de l'autre, l'autre ne fait pas partie de l'un nécessairement. Dans le sens que l'hégémonie qui est vue par le catholicisme ne peut pas faire autrement que de se nuire. Comprenez, dans l'Apocalypse, à un moment donné, il y a une putain couverte de joyaux qui se réjouit de versement du sang des saints, qui tient un calice puis rempli d'immondices, puis la putain couverte de pierreries. C'est difficile de ne pas considérer que c'est possiblement l'Église catholique, parce que je trouve que l'image s'y prête bien, mais ça, c'est mon opinion subjective à moi. Mais l'Église catholique, moi, je l'ai de travers. Je veux dire, jamais je vais aller contre. Puis je ne vais pas non plus faire une sorte de prosélytisme à l'envers dans le sens que je considère que les gens qui sont là-dedans, c'est correct. Puis je considère que ça peut être un grand secours pour beaucoup de monde. Mais je ne vais pas commencer, par contre, à me mettre à genoux au niveau d'une doctrine, dans le sens que, à genoux, assis debout, ça, moi, à mes yeux, mon opinion subjective, c'est que c'est nécessaire pour les gens pour qui c'est nécessaire. Mais les gens pour qui c'est nécessaire ne peuvent pas aller l'imposer à des gens pour qui ce n'est pas nécessaire ou qui sont dans l'opinion, peut-être dans l'erreur de considérer que ce n'est pas nécessaire. C'est ça que j'aime pas avec les doctrines. Il n'y a comme pas de respect pour les capacités d'être libre de l'autre. Il n'y a pas de respect pour la marge de manœuvre d'autrui qu'ils veulent se donner. Je vais aller dans le catholicisme si le mouvement vient de moi, dans le fond, ou si le Dieu du catholicisme me fait la grâce de m'éclairer en ce sens. Mais c'est tout. Parce que de la façon dont vous agissez avec votre rhétorique, qui est dans le fond liée à une sémantique de comment je pourrais dire ça, de prosélytisme, ça va faire en sorte de cabrer des gens contre l'Église, encore plus qu'ils ne le sont. Parce que s'ils sont dans un mouvement de se détacher ou d'être en révolte contre l'Église, vous allez amplifier ça. Si vous êtes trop là, dogmatique puis dans votre patente, au niveau de forme trop rigide. Donc, allez écouter Pierre Blanchette, là, puis essayez de plus me faire de m'écrire d'affaires de même, parce que je vais finir par perdre patience, même si je suis bien fin. Je suis pas un saint, moi, là. Donc, depuis septembre, tu as ajusté quelque chose par rapport au public, mais ne vois-tu pas la nuance? Tu dis justement toi-même que BDM est la seule à bloquer un mouvement en le faisant. Je ne sais pas à quoi tu fais référence. En faisant quoi? De toute façon, là, leur job, ils l'ont fait, eux autres, là. J'ai pas... Yvan Poirier a transformé la conscience supramentale en New Age World. si vous le dites. Moi, je ne veux pas. Je ne vais pas donner mon opinion là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que ça ne m'intéresse pas vraiment, M. Poirier. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais monsieur. Mais peut-être qu'il peut, des fois, bon, il y a du bon monde partout, même dans le champ. Qu'est-ce qu'ils foutent ici, ceux qui parlent de. Mais là, il ne faut pas non plus être. Vous savez, moi, j'ai rien contre. C'est-à-dire, je vais tout le temps être pour l'individu. Je ne vais pas être nécessairement pour les patentes qu'ils soutiennent ou dans lesquelles ils sont pour se soutenir eux-mêmes. Mais par contre, ouais, je comprends un peu là, ce que voulait dire M. Touga. Benoît, des fois, je prends des Advil, savoir si c'est un mal de tête normal ou un mal de tête nécessaire, si tu vois ce que je veux dire. Moi, des fois, là, juste l'huile de menthol, là, vous frottez ici, puis ça part. Parce que des fois, c'est juste... Ou prendre un nez qu'un vasodilatateur, des fois un café. Des fois, c'est juste une tension au niveau vasculaire hein, qui engendre des maux de tête. Ça peut avoir une cause physiologique, donc Advil, si ça fait. Mais comme c'est une molécule... Oui, il y a du monde qui se sont... Égaré, comme Gilles dit, je me suis égaré. Ben, c'est déjà quelque chose. Il y en a combien d'égarés qui sont sur un chemin en disant c'est par là, j'ai mon temps. Quelqu'un qui dit ben, je me suis perdu ou il n'y a pas de chemin. Donc, il faut respecter les autres. Oui, je pense aussi, à moins que si la personne elle vient s'essuyer les pattes sur mon tapis de salon, là. C'est là il y a une nuance, il faut se faire respecter aussi. Donc, ça dépend. Je ne dis pas le contraire, je respecte la vision des gens pour leur foi, mais qu'est-ce que ça fait ici? Moi, je sais, là. Tu n'es pas un témoin toujours. Ben là, j'ai-tu l'air d'un témoin, moi, là? J'aime bien trop le boudin. Les témoins, ils n'ont plus le droit de manger le boudin. Ben non, hey. L'ose, là, Thèse Russell, là, Charles Thèse Russell, là, je connais sa biographie, là, les témoins n'ont pas le droit de lire sur leur fondateur, eux autres. Donc, en tout cas, on pourrait lire un manuel d'instruction IKEA pour faire fuir les démons si la vibration est forte, peu importe ce qui est. C'est ça. Ben oui, c'est vibratoire. De toute façon, même pas besoin de parler en un certain point. Comme j'en connais une dame qui est très, très catholique, elle est très, très catholique, très, très pratiquante. Elle n'arrive pas à arrêter de fumer. Elle n'arrive pas à se passer de phase de, qu'elle a d'insomnie. Elle n'arrive pas à se passer de l'alcool. Ça en est quelque part des démons. Puis elle a son chapelet, puis tout. Donc là, à un moment donné, il va falloir être moins naïf. Il va falloir être moins naïf. Jusqu'à un certain point pour notre salut. Entre guillemets. Donc, Yvan Poirier a suivi Daniel Kemp et est parti en fabulation des croyances New Age et pour faire de l'argent, il a été chercher un créneau New Age. Ben, moi, j'ai parlé souvent d'avertissements. J'ai essayé de faire des avertissements par rapport à ça, là. J'ai fait mon possible pour avertir le monde qu'il y avait, je dis pas que M. Poirier c'est ça, mais qu'il y en avait des comme ça. Puis, c'est drôle ça, parce que Daniel Kemp lui-même, après son séminaire avec Bernard, il a perdu ces vibrations-là de New Age. Il y a une vidéo, je sais plus si c'est encore disponible, on le voit avant ça. Puis il portait des chemises indiennes là, avec les cols. Puis après son passage chez Bernard, Daniel Kemp, il avait complètement une autre vibration. Il était rendu, il se faisait tailler des habits, puis il était pas mal plus... Mais là, Daniel Kemp, c'était pas un magicien non plus, dans le sens que il y en a bien qui sont allés à des séminaires de Bernard, il y en a qui sont allés sur le bord à Sabourin, il y en a qui sont allés avec Kemp. Mais oui, mais ça, c'est pas magique, là. Ils sont devenus des... ce qu'ils étaient pareils, c'est juste que là, ils ont dans leur pitch de vente, ben moi, j'ai été en formation avec un tel, ben tel, ben tel. Donc, c'est là qu'à un moment donné, il faut développer un discernement vibratoire. Puis de toute façon, même ceux qui ne l'ont pas, ils vont aller perdre leur temps avec ce monde-là, puis être déçus, puis en souffrir. Puis quand ils vont avoir assez souffert, ben au moins ils vont avoir brûlé de la naïveté. Donc, même ça sort. Ou bien dépenser leur argent là, d'une façon qui n'a pas de bon sens. Ah oui, être libre de l'autre, ben oui. De toute façon, même avant d'aller voir l'autre, il faudrait être libre d'abord. Puis des fois, on va voir l'autre pour se libérer de soi. Puis ça, c'est jamais un bon mouvement. Dans le sens comme voir à l'envers. Quand je regarde les lives, il y a du monde qui arrive et écrive une grande partie de la Bible dans les commentaires. Je trouve un peu fatigant, polluer les lives, occuper toute la place des commentaires. Ben, j'en vois pas tant que ça, c'est pas super. Karina Ikea. Ah. Vous m'apaisez à avoir une vision claire de la manière dont les élites font et feront fonctionner le symbole de Delta Omicron au sein des populations dans le présent et le futur. Je sais pas, je pense qu'il va y avoir d'autres choses, là. En tout cas, on verra. Le respect s'arrête ou le respect de l'autre finit. Dans le fond, là, il y a deux... il y a trois principes... universel, si on peut dire. L'amour, la volonté, l'intelligence. Puis, comme par exemple, c'est quoi l'amour intelligent? Ça donne du respect. Avec ces trois affaires-là, vous pouvez aboutir à toutes les, si on peut dire, des vertus imaginables. Donc, l'affaire, le respect de l'autre s'arrête ou finit. Il ne faut pas non plus avoir une vision polarisée de ces phénomènes-là. C'est des affaires, des principes rayonnants qui fonctionnent par rayonnement. Ceux qui ont regardé un peu Raymond Lulle, là, vous savez, là, l'illuminé de Majorque, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, dans le sens que ça permet d'avoir une pensée logique, mais en dehors de l'intellect, pour envisager certaines choses comme ça. Puis ça va même plus loin que certains, là, comme Thomas d'Aquin, le peu. Bon, en tout cas. La religion, c'est une béquille pour beaucoup de monde. Oui, mais quand que vous avez une patte malade, une béquille, c'est correct. Par rapport au public et à l'ajustement, je ne suis pas en train de dire que les religieux sont tous des malades, là, c'est pour ça, là. Pas non plus interpréter trop. Par rapport au public et l'ajustement, les mises en vibration et les colères dans les réponses aux commentaires depuis un temps, plus rien, en ce sens où il y a un ajustement intelligent. Je sais pas, là. Ben, franchement, j'en viens encore de la colère. Mais je suis moins porté à... Je suis plus occupé. En tout cas, une des faiblesses de la modernité est de soumettre les consciences à une symbolique beaucoup plus pauvre que ne le faisaient les civilisations du passé. Ça, c'est normal. Parce que l'homme n'est pas pareil. Prenez le Moyen-Âge, par exemple. À cette époque-là, une image valait réellement 1000 mots. Aujourd'hui, ça prend 1000 images pour... Donc, il y a une pauvreté, mais qui est liée à la qualité qui est partie, mais pas la quantité nécessaire. Ah, j'ai été ma voisine qui est allée faire je sais pas quoi. On s'en fout. Aussi, la liberté de l'un finit ou la liberté de l'autre finit. Oui, où elle commence, peut-être, mais même là, tu sais, c'est parce que c'est intellectuel, là, on pourrait se gonner des heures avec ça, là, puis... Je viens d'apprendre qu'une sculpture devant l'église de l'ONU qui ferait référence à la bête, va vous parler de la grosse bébite multicolore là, qui a des pattes d'ours et une gueule de léopard. Ben oui, j'ai vu ça. Mais de toute façon, on dirait que la religion de l'ONU, c'est le mauvais goût. Il n'y a rien de pollué, je trouve pas ici, de pollution. Bon, il doit en avoir un petit peu là, même dans ce que je dis. C'est certain. Bonjour, Mystère Guerrière. Donc, vous m'aviez écrit par rapport à... Ah oui, c'était... j'ai lu un commentaire, c'était par rapport à Danny Laferrière. Je suis content de voir que je ne suis pas tout seul là, à trouver que... Original Réseau, Musicien, les croyances religieuses et les croyances New Age sont horizontales en égrégore planétaire et le savoir multidimensionnel, cosmique et vertical. Oui. Mais le pire, c'est que c'est spiritualisable tout ça. Donc, ça peut même. C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre le phénomène du supramental puis ce qui a à s'engendrer. Il y a du New Age supramental, puis il y a des religiosités spiritualisées supramentales. C'est là qu'on voit, y a-t-il un contact ou pas? La personne qui n'a pas de contact, elle va être portée à horizontaliser ce qui est vertical. C'est là que ça devient. Bonjour, Bellator, les ministres. Oh, Liliane, il est content. Je sais pas pourquoi. Mais c'est sûr, ça va. C'est là que j'ai de la difficulté à quand je regarde ce milieu-là, là, le supramental, c'est plein de groupes, c'est plein de groupuscules de gangs, c'est plein de monde qui ont leur patente, puis qui vendent des formations. Puis c'est drôle ça, quelqu'un qui a son contact, il fait pas ça. Dans le sens que si vous avez votre contact, vous en foutez de. Vous n'allez pas créer une secte ou un groupe de ci pis de ça, puis je veux dire, en tout cas, parce que peut-être dans certains cas, oui, j'ai vu des groupes, c'est pas si pire, même si je veux rien savoir d'aller là-dedans, là. Mais je parle là, des groupes de parole où les gens jasent entre eux. Il y a une différence là, avec d'autres affaires, là. Mais j'ai beaucoup de difficultés à comprendre qu'il y a des gens qui ont leur contact, vont figer dans des doctrines, des principes qui sont pas intellectuels, qui sont pas doctrinaux, qui peuvent pas être définis comme ça, puis ils vont les définir. Ils vont définir de l'indéfinissable alors que ça serait supposé être en mouvement tout le temps, puis bon. Des gens, ils cherchent des repères. Ben oui, ça fait partie de la psychologie humaine. Surtout en ces temps où la gestion des masses est liée à la mouvance des repères, des faux repères. Donc, il est où le noyau là-dedans? On est censé avoir un repère, puis une vision périphérique autour. Donc, bon, un contact lucratif, moi, ouais, je pense qu'il y a de ça. La Ferrière, quand j'ai entendu dire ce qu'il a dit, j'étais en tabarnak. Oh, et donc, et moi donc, à propos des Québécois, ben oui. Vous avez pas vu ça dans une émission française, il allait dire ça, les Québécois sont un peu bizarres parce qu'ils se marient en cousin. Aïe aïe, j'étais enragé. Il aurait pas fallu que je me trouve Quand on a un contact conscient, on a envie de discuter avec d'autres, oui, au début. Gens qui sont conscients de leur propre contact, c'est normal, oui. Oui, mais là, il y a une différence entre ça puis créer des formes figées dans des formations d'étape par étape, puis comme la scientologie, là, il y en a, ça ressemble quasiment à de la scientologie. Tu sais, ça devient un programme que, ben oui, il faut payer pour chaque formation. Puis être son propre support, je réalise que c'est pas évident, non. Non, surtout quand que ça bouge, là, c'est un peu comme se tenir sur une patte, là, sans voir rien autour. On parlait de béquilles tantôt, là, c'est un peu comme être sur une petite patte frêle, puis ben, en horizontalisant les consciences multidimensionnelles, on peut écraser les égrégores planétaires qui va donner de l'astralo multidimensionnel, qui va donner le chemin multidimensionnel, moi, ouais, c'est ça l'affaire, là. C'est vous le chemin, là. Tu sais, il y a une affaire, là, qui en est qui parlait de l'imitation de Jésus-Christ, ben oui, mais il disait, je suis le chemin. Hey, Léliane, j'ai pas le temps de lire votre affaire. Un contact n'est pas nécessairement télépathique. Cela peut être une sensibilité ou une vibration qui te fait savoir ce que tu as à faire. Oui, mais même la pensée est télépathique. Puis l'être humain est télépsychique. Donc, cette sensibilité-là, puis cette vibration-là, est liée à une télépsychie qui la capte. Parce que sinon, on est des légumes. S'il n'y a pas de télépsychie, il n'y a pas d'incarnation, on est comme des légumes. Donc, la pensée vient d'ailleurs, c'est un peu ça aussi. Mister Guerrière, moi aussi, j'ai vraiment pas aimé ce que Danny a dit. Il peut bien rester avec sa gang de fous en France. Ben oui. Ben lui, qui aille à des soupers avec Alain Finkielkraut, ça doit être tellement plaisant. Hein? Ça doit être tellement enrichissant, ces conversations-là, avec ces grands messieurs de l'Académie. Hey, là, franchement, là, si ça fait dur, ça fait pitié. J'évite les groupes beaucoup. Je pète des coches. Et je dois me retenir à ne pas entrer en conflit. Voilà pourquoi je ne fréquente jamais les groupes. Ouais, des fois, c'est plus enrageant qu'autre chose. Vaut mieux les laisser se mêler de ses affaires. Hein? C'est toujours. Ça se pense intelligent et ça se projette avec orgueil mental. Moi, ouais, mais il ne faut pas non plus penser que c'est pas parce que le monde se pense intelligent qu'il faut les penser cons nécessairement. Parce que le monde, il change des fois. Il évolue, il se pète la gueule, puis ils finissent par plus moins. Là, ça dépend, du cas par cas. Comment qu'on fait pour se connecter à notre contact? Ben, c'est déjà fait souvent, c'est la force, il faut le conscientiser. Faut s'en rendre compte. C'est surtout ça. Je suis nouveau sur la chaîne, peux-tu expliquer comment brûler de l'énergie suggestive par de l'expérimental, par de la déception, entre autres. Si dans votre vie de tous les jours, vous vivez de la frustration, puis qu'il y a de la répétition là-dedans, le fait de l'observer va faire qu'à un moment donné, vous allez voir la mécanique. Donc, vous allez changer de pattern. C'est pas si compliqué, mais en même temps, c'est parce que c'est pas que c'est compliqué, c'est subtil. Donc, OK. C'est comme être toujours en équilibre sur un fil d'affaires. Mais oui. C'est pour ça qu'il faut apprendre la présence. Dans ma première chaîne, j'avais fait des vidéos il y a 5 ans, je parlais de la présence. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point, justement, quitter le réflectif intellectuel pour l'observation présente. Comment que c'est très bon. En tout cas, je suis conscient que j'ai un contact, mais je ne peux pas y croire. Je ne peux pas dire qu'il est bon ou mauvais, mais je ne traite pas avec de quoi le main, ce qui veut dire que c'est très unique. Moi, faudrait élaborer un peu. Parce que le contact, ce qui vient de vous, ce qui vient vraiment de vous, il peut pas y avoir de doute là, à un moment donné. Vous allez perdre. J'ai aimé ce que tu dis à propos des goûts de l'oignon. Moi, ben, eux autres, là, j'en reviens pas des fois, là. Vous savez, moi, j'embarquais pas dans les histoires de. En tout cas, eux autres, ils sont comme la. Il y a des choses auxquelles je croyais pas, ben, je trouvais ça trop gros. Puis eux, ben, si je les voyais pas, j'y croirais pas. Je veux dire, c'est comme leur gros cube noir, là. Qui ont dans une pièce au niveau de quand on prend la symbolique. C'est quoi ça? Que c'est ça? C'est des malades. en réalité, en écrasant les égrégores, ça va conditionner l'énergie supramentale et multidimensionnelle sur les lambdas. Je sais pas ce que vous voulez dire par là, mais des fois, vous n'avez même pas besoin de parler, puis ça va se répercuter autour. Puis en tout cas. On partage tous jusqu'à un certain point le même champ d'émission. Donc, la pensée est une vibration comme tout. On reste la pensée tout comme le savoir. Cela, ce qu'on vibre, dire polarisé, penser et savoir, c'est penser ou savoir. Ouais. Ben, pour savoir, pas besoin de penser. C'est là que c'est subtil encore. Il y a des choses, on peut se mettre à le réfléchir, à le penser, mais on finit par se tromper. C'est incroyable comment on se désinforme. Finkielkraut porte tellement bien son nom. Oui, hein, on dirait une sorte de pâté en croûte allemand. J'ai l'impression qu'il y a plein de personnes sur le contact, mais ils en sont inconscients. Et voilà. Mais leur esprit, lui, il est en ça. Il va avoir l'intelligence à un moment donné, possiblement, quand c'est le temps. C'est parce que l'ego, il y a des choses que l'ego ne peut pas prendre. Sinon, il va y avoir dissolution de l'ego puis de la personnalité. Donc, il faut qu'il y ait des fois un temps d'attente. Dans le sens, on vit dans du linéaire, là, on est dans un temps linéaire, puis des fois, les corps sont pas finis, si on peut dire. Même au niveau de l'ego, il y a une pollution dans l'ego qui le densifie, qui l'opacifie. Donc, par l'expérimental, ça va avoir l'intelligence de mettre en expérience ou en initiation pour qu'il y ait brûlement, si on peut dire, de cette subjectivité-là, pour que quand ça va passer, que ça casse pas. Établir un rapport aux forces, bonjour Camille, établir un rapport aux forces qui ne soient ni réifiées ni personnifiées exige qu'on passe par l'entitisation. Ça dépend l'entitisation de quoi, puis sous quelle forme. Comme le double, c'est une entitisation de la lumière. Mais dernièrement, par mes correspondances, je me rends compte à quel point c'est une forme dangereuse. Vraiment, là. OK, la preuve que l'on peut écraser les égrégores planétaires par la multidimensionnalité, les gens vont capter. En fait, tu as déjà capté des choses de BDM et Daniel Kim en astral. Ben là, je pourrais pas dire. Bernard parlait de son contact et il disait, c'est des malades. Oh oui, moi je suis d'accord. Si on se rendait compte de vers où notre vie, pourquoi notre vie est comme elle est, on ne serait pas d'accord, puis on ne le vivrait pas volontairement. On ne voudrait pas volontairement achever notre programmation. Parce que ça n'a pas d'allure. Il y a des choses que j'ai vécues dans ma vie, si je l'avais su d'avant, je n'aurais jamais voulu. C'est des fous, c'est fou, c'est fou, c'est de la folie. Les intelligences qui engendrent l'expérimental sont complètement inhumaines. Mais ça, c'est d'un point de vue de l'ego. Incarné. C'est fou, c'est malade, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, faut être vraiment spiritualisé pour endurer ça, là. Imaginez les martyrs dans l'Antiquité qui se faisaient découper en morceaux vivants puis bouillir vivants pour leur foi. S'ils avaient été spiritualisés, à quel point ils auraient dit c'est des fous, le divin, c'est de la folie. Donc, il avait besoin d'une certaine subjectivité pour passer. Mais il fallait que l'énergie passe à travers les structures, qu'il y ait de quoi au niveau de l'âme collective qui s'enregistre expérimentalement. Puis il y en a des fois, ils vont vivre quelque chose, puis eux, ils vont servir, si on peut dire, de celui qui va porter pour d'autres. Donc, ils deviennent à l'image un peu du Christ, si on peut dire. Mais quelqu'un qui sait qu'il y a bien des gens là, que s'ils voyaient le mandat qu'ils ont, jamais ils l'accompliraient. C'est pas pour rien qu'on est en partie inconscient dans notre incarnation planétaire, parce que c'est une sorte de rêve un petit peu inconscient. Pourquoi? Parce que si on se réveillait totalement, on sortirait de la matière. On n'accepterait pas de vivre ça. En tout cas. C'est ça, observer le jeu des énergies pendant les lives, respecter l'autre. En cela, ça va, ça vient. C'est très intéressant et je ne vois pas de pollution en vous, pas en tout. Bon, il y en a sûrement un peu. La présence, je sais quand elle me quitte, je m'en rends compte des fois au bout de quelques minutes, je me ramène, il y a observateur, est-ce la même? Je me ramène, il y a observateur, est-ce la même? Ça dépend. Avoir de la présence, là, vous allez tellement être dans l'observation que vous ne serez pas nécessairement dans l'observation de l'observation. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu comme les gens qui ont beaucoup fait de la méditation, des choses comme ça, ils savent qu'il y a des jeux comme ça, très subtils de projection. La vraie présence, là, vous allez être capable, par exemple, d'accomplir avec des travaux manuels très, très difficiles, très, très facilement. Quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de présence, il va s'habiter énormément, il ne va pas être dans son intellect. Donc, vous allez être capable, par exemple, de coudre à la main une ligne parfaitement droite, sans avoir à vous forcer, là, ça va être facile, juste parce que vous avez de la présence. Et que vous ne dispersez pas votre présence dans autre chose. Vous allez être capable, là, au niveau même de votre corps physique, de faire des choses que vous pouviez, plus vous allez avoir de la présence, plus ça va être facile. Comme je donne souvent l'exemple d'être capable là, de bouger les doigts comme ça indépendamment. À un moment donné, on n'a pas besoin de le pratiquer. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude de s'habiter. Puis ça dépend, là. On peut jouer aussi avec la constance de ça, dans le sens pas obligé d'être constant, parfait tout le temps. Mais la présence, d'en avoir de plus en plus. Mais dès que vous réfléchissez beaucoup, puis que vous êtes ce qu'on appelle dans la lune, là, ça c'est le comble de la perte de présence, puis ça porte très bien son nom. Parce que la lune, c'est sublunaire, c'est magnétique, c'est astral. Il paraît que les nanotechnologies de graphène seraient en deux dimensions. Si c'est purement dû à un alignement de particules magnétisées, oui, c'est possible. Bonjour Alex. Juste pour ma curiosité, dans quelle ville vis-tu? Oh, ça j'aime moins ça. Je n'ai pas envie de le dire. Moi, Bertholdville. Moi, dans quelle ville je vis? Je n'ai pas envie de le dire. Ça pourrait nuire à l'image de la municipalité, puis je vais avoir des problèmes là, au prochain conseil. Ils vont me mettre à l'ordre du jour. Pour m'empêcher de parler. En ayant arrêté de fumer, la présence devient effective. Ben, je vais être franc avec vous autres, là. Moi, j'ai vu des gens qui avaient plus intégré, qui avaient beaucoup de conscience puis beaucoup de présence, que c'est des gens qui fumaient et qui buvaient beaucoup. Puis j'ai vu des gens qui n'avaient pas de centre, qui n'avaient pas de conscience, qui étaient juste de la spiritualité. Puis ces gens-là, ils fumaient pas, ils buvaient pas, ils faisaient rien. Puis j'ai arrêté de fumer. Puis je suis moins en vibration maintenant. Je suis moins élevé en vibration maintenant qu'il y a 2 ans, quand je fumais là, à côté tout le temps. Donc, c'est bizarre, ça, ces phénomènes-là. De pas penser que le mode de vie a une incidence si grande que ça. Moins qu'on pense. Il y en a bien là que c'est des gros fumeurs, puis c'est, je veux dire, même des drogués des fois. Là. Ils sont sur le contact. Puis c'est justement parce qu'ils sont sur le contact qu'ils sont portés à des choses comme ça, parce que ça leur permet de gérer la trop haute fréquence, la trop haute tension que ça engendre. Donc, le contact est-il toujours comme quelque chose qui nous parle, pas nécessairement, ou ça peut être juste le fait d'avoir, oui, et savoir instantanément, c'est ça, la lucidité est-elle une expression du contact? Et oui, voilà, c'est parfait. C'est vraiment parfaitement bien dit. Votre réponse est dans la question. D'ailleurs, c'est ça le contact. Il y a, vous savez, là, quelqu'un qui a pas qui est sur le contact et qu'il ne sait pas, il se pose plein de questions. Quelqu'un qui est sur le contact et qu'il sait, il reçoit plein de réponses à mesure qu'il se pose des questions. Il y a autant de réponses que de questions. Parce qu'il sait que c'est un phénomène polarisé, ces formes-là. Que c'est juste l'intellect qui formalise l'énergie psychique. Donc, c'est subtil et ça ne l'est pas non plus. C'est simple. C'est pas compliqué. C'est pour ça là, que Savez-vous, les gens que je trouve les plus difficiles à être capable de percevoir ces phénomènes-là, c'est les gens très, très intellectuels. C'est incroyable. Comme par exemple, je vais leur dire, non, t'es trop psychologique, puis la personne va me répondre, c'est toi qui es psychologique. Puis là, je me rends compte, la personne ne comprend pas ce que je veux dire par psychologique, parce qu'elle intellectualise. L'intellect ne peut pas se voir lui-même. Le psychologique ne peut pas se voir lui-même. C'est comme j'ai déjà dit, c'est comme quelqu'un qui il resterait dans une maison puis qui penserait voir la maison de l'extérieur, la façade, ça ne peut pas être objectif. Donc, où nous habitons exactement, ce n'est pas une priorité. Moi, ce que je pense aussi, d'enseigner la conscience supramentale et multidimensionnelle. Il me semblait que ma voisine apparaîtrait. C'est pas une priorité, c'est d'enseigner. Ouais, puis même là, ce que ça s'enseigne, ce qu'on peut faire, c'est donner un témoignage de quelque chose, puis un son de cloche. Puis juste par l'onde de cette cloche-là, il y a d'autres cloches qui se mettent à vibrer autour, c'est tout. D'une certaine façon, là. Mon fils est alcoolique et toxicomane, et il est très allumé. Il dit que c'est difficile tout ce qu'il a à faire, tard, et voilà. Parce qu'il y a encore une sensibilité émotive, émotionnelle, probablement. Puis si jamais ça, un jour, c'est réglé, votre garçon, ça se peut qu'il arrête de boire puis d'être toxicomane, mais il va garder la même lucidité qu'il avait. Donc, Benoît, c'est chiant quand ça parle dans la tête et tu ne sais pas trop si c'est toi qui te mets des mots dans la tête ou ça vient d'ailleurs. Ben, même quand on pense que c'est nous qu'on se met des mots, ça vient d'ailleurs souvent. Ça dépend. C'est pour ça l'affaire, là, l'identité. C'est tellement important. L'identité, c'est plus ce qu'il voit que ce qu'il parle. Donc, c'est là que ça devient très subtil. 1h44. Je pense que je vais les quitter bientôt. Là. Je vais dîner. Je vais pas dîner. Je fume périodiquement pour gérer des périodes difficiles de transition. La cigarette induit chez moi une manière de penser plus agressive. Ouais, c'est un psychostimulant. Souvent, les gens vont dire, oh, ça me relaxe, mais c'est un stimulant. Je l'ai remarqué en cessant de fumer. Je dors beaucoup plus maintenant. Je suis moins stimulé. Mon système est moins. Ah, ben, de rien. Bonheur, lumière. Mais oui, mais je me rends compte, je fumais énormément, justement, pour gérer le flux qui me passe à travers. Ça fait drôle à dire. Dans le fond, aussitôt que ça se passe dans la tête, ce n'est pas de notre sort. Ouais. C'est pour ça que de ne pas s'identifier aux pensées. C'est ça, c'est une base. Si psychologiquement, on s'identifie à tout ce qui nous passe dans la tête, on est fait. Même si juste à un tiers de ce qui nous passe dans la tête, on est fait. Si on se met à s'identifier au sens qu'on pense, on est fait. Donc, imaginez là, comment il y a du monde qui souffre psychologiquement parce qu'ils s'identifient à ce qui se passe dans leur tête. Qu'au fond, c'est mécanique, c'est lié à des vieilles mécanicités liées à leur expérimental, pas des conflits mal intégrés. Il y en a comme ça qui finissent par se penser mauvais, par penser qu'ils sont pas corrects, qu'ils sont méchants. Être méchant, là, c'est jamais en pensée, c'est en action. Il y a 4 ans, il a eu un diagnostic de TDAH. Il ne s'aime pas. Ben, c'est ça, il s'identifie à certaines incapacités, alors qu'il y a des capacités extraordinaires. Donc, aussi, là, le TDAH, puis toutes ces choses-là, je pense qu'il faut en prendre puis en laisser. Dans le sens que, au niveau de l'expérimental, puis le développement des personnes, puis de leur programmation, si on se met à fixer dans des formes, ben, on peut bloquer subtilement sans s'en rendre compte certains potentiels. Comme dernièrement, ce matin, j'ai eu pas mal de courriels que j'ai répondu, puis dedans, il y avait une jeune dame qui, ils l'ont étiqueté Asperger. Puis j'ai écrit de faire attention, que ça ne devienne pas une fausse identité puis un repère. De toujours en prendre, pas en laisser. Avez-vous écouté le dernier titre de Stromae, intitulé L'Enfer, il parle de la souffrance de pensée? Non, non, je ne l'ai pas écouté. Son énergie est très intense et il a énormément de colère. Ça veut dire que il y aurait énormément de carburant pour de la volonté. Donc oui, il doit avoir des blocages, puis oui, il doit avoir raison d'être en colère. Donc il doit avoir une créativité en potentiel qui est immense. Il n'y a pas beaucoup de personnes que ça leur plaise qu'ils ne sont pas prioritaires de leur pensée. Bien, c'est sûr, parce que l'être humain se donne une valeur psychologique. Au fond, là, vu des plans, l'ego psychologique, c'est tellement vu comme. En tout cas, ici, il tomberait complètement à l'envers. Je dois vous quitter, il est 19h ici. Bonne continuation. Bon, ben, bonne soirée, Christine. Liliane, bon appétit. Merci pour toutes ces réponses. De rien. De rien. Mais oui, je vais aller manger. Merci. Daniel Kem parlait d'enfant Teflon, l'enfant sur qui aucune punition, chantage, manipulation ne peut faire plier trop dans sa conscience pour être manipulé. Ouais. Mais il est assez dans sa sensibilité pour être bloqué puis on lui nuise. Quand même. C'est pour ça qu'il était question à un moment donné d'encadrer. Il y en a qui ont essayé d'encadrer. Puis bon. Bonjour Christine. Je vais laisser bientôt. Je ne sais pas si vous venez d'arriver. Il dit qu'il ne veut pas se suicider parce qu'il sait qu'il va revenir. Ah. Ben. L'affaire, là, juste le fait de penser, je veux pas me suicider, ça veut dire que c'est là quand même. Donc, c'est un petit peu inquiétant. Mais c'est de voir ça comme un défi. On va l'endurer jusqu'au bout, là, la programmation, là, ne serait-ce que pour faire chier les forces qui nous font vivre ça. Donc, c'est quoi le démiurge? Ah, ça, on voit ça dans certaines doctrines, comme notamment là, les 14, puis on en parlera peut-être à un moment donné. On pourrait faire un parallèle avec ceux qui pensent qu'on est dans une matrice. Merci Berthold, bon appétit. Merci à vous. La pensée n'est-elle pas le sixième sens? Bon. Par contre, il n'y aurait pas de pensée sans le sixième sens. Il y a une différence entre. Prenez une main qui saisit un objet, il y a une différence entre la main et l'objet. Bonjour Berthold, faut-il passer par quelqu'un qui a son contact pour être soi-même en contact? Est-ce possible d'y arriver seul? L'affaire, c'est de conscientiser le contact. Là, ça peut aider d'avoir des gens. Mais oui, on peut y arriver seul. Sinon, il n'y aurait jamais eu personne. Jean-Philippe, Alexandre Apsi, il a décodé la chanson de Stromae. Voilà. Comme je vous dis, je ne l'ai pas écouté. J'ai vu ça proposer les propositions YouTube. Je voyais un œil, puis c'était marqué l'enfer, puis j'avais pas envie d'écouter ça. Donc, grand merci, c'était mon anniversaire. Les fréquences sont fragiles, mais on va tenir bon. Ah bon, joyeux anniversaire, cellule or. Mathilde de chemin d'abeille, à quoi peut être dû des douleurs au niveau du plexus assez régulière? Ça peut être plein de choses. Puis vous devez toujours éliminer toutes les possibilités matérielles, physiques. Donc, ça m'est arrivé une fois d'avoir une douleur dans cette région-là. Et bien, imaginez-vous, c'était musculaire. Puis je me suis même rendu à l'hôpital cette fois-là. J'étais vraiment inquiet, puis je me suis fait rire de moi. Que penser de l'hypnose quantique? Oh, il va falloir que je regarde ce que c'est. Comme je vous dis, je ne suis pas trop courant là, Je suis un petit peu ancien dans mes référents là, parce que je ne suis pas très porté à regarder ce qui se fait. Mais moi, je vais aller dîner, puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Mais ça a été très intéressant, plein de choses inattendues que je ne m'attendais pas de parler. Donc, on ne peut pas être intelligent tout seul, là. Oui. Je le vois dans le sens que il y a plein de choses que j'ai entrevues en parlant que je n'aurais pas vues. Aujourd'hui, sinon, même des choses, des fois, je me dis des choses, puis je suis moi-même surpris, là. Donc, il doit en avoir aussi parmi vous, là, qui vivent le même phénomène. Donc, ah ben, merci. Donc, bonne journée.